Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Radioactive sur le 94.7 et le 93 FM. Bienvenue dans un nouveau mag d'actu. Et aujourd'hui dans ce numéro, on prend notre envol, direction la médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis-sur-Loire, où Lilian et moi sommes partis à la découverte d'une expo aussi belle qu'instructive prêtée par la bibliothèque départementale, une expo intitulée « Observons les oiseaux ». Panneaux, réalité augmentée, support pédagogique, mais aussi de superbes nichoirs et mangeoires en bois fabriqués par les travailleurs de l'ESAT, les Ormeaux de Montlouis. Une expo qui mêle donc nature, savoir et savoir-faire. Prêt à tendre l'oreille et à déployer vos ailes, c'est parti et c'est Maude qui nous accueille. Bonjour Maude. Bonjour. Maude, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est votre fonction au sein de cette médiathèque ? Alors, je suis bibliothécaire jeunesse au sein d'une équipe de 6 personnes. Je m'occupe principalement d'accueillir le jeune public. Alors, si nous sommes venus taper à votre porte aujourd'hui, c'est parce que, à compter de ce mardi 4 février et jusqu'au samedi 22, il y a un événement particulier que vous accueillez. Quel est-il ? Alors, il s'agit d'une exposition, sur les oiseaux. Elle nous a été prêtée par la bibliothèque départementale. C'est une exposition qui est ludique, interactive et qui permet de découvrir les oiseaux grâce notamment à une application qui s'appelle Birdie Memory. L'exposition est complétée par des nichoirs, des mangeoires qui ont été réalisés par l'ESAT, les Ormeaux de Montlouis. Voilà, et puis évidemment, comme pour tout événement qui se passe à la médiathèque, on vous propose un fonds en lien avec l'exposition. Donc, on a des documentaires sur les oiseaux, sur les chants d'oiseaux, sur l'habitat des oiseaux, et puis on a plein d'albums et de contes autour des oiseaux. Quand vous dites qu'elle est interactive, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'on arrive avec son smartphone, comment ça se passe ? Alors, sur place, on peut vous prêter une tablette avec l'application Birdie Memory qui est déjà installée. Vous passez la tablette sur un oiseau et vous entendez un chant, le chant de l'oiseau concerné, et puis un petit descriptif qui permet d'en apprendre un peu plus. Ou alors, vous avez la possibilité, avec votre smartphone, de télécharger l'application et puis de faire à votre tempo la visite de l'expo, pourquoi pas revenir à d'autres moments. Voilà. Est-ce que c'est payant de venir voir cette expo ou est-ce qu'on est sûr de l'accès libre et gratuit ? Accès libre et gratuit, ah. Comme tout à la médiathèque. La médiathèque est libre et gratuite, ouverte à tous. Et je rappelle aussi, parce que c'est encore une idée assez répandue, qu'il faut être inscrit pour venir à la médiathèque. Et ce n'est pas le cas. On peut passer les portes de la médiathèque sans être inscrit. Seulement, il faut être inscrit pour emprunter. Voilà. Donc, une très, très belle expo dont on a pris connaissance avec Lilian. Ça vaut le coup d'être vu. Très coloré, très ludique. Et puis, alors, ce côté interactif, Lilian. Alors, moi, j'ai adoré. C'était vachement bien. Surtout que ça nous permet d'entendre des bruits avec lesquels on est super familier, mais on n'a pas forcément d'images d'oiseaux à mettre dessus. Et là, par exemple, moi, je sais que demain, si je vois un rouge-gorge, bah, je saurai quel bruit il fait. Attention, parce que maintenant que c'est dit, on va te quizer sur les chants d'oiseaux. Et puis, on découvre aussi des espèces, on en parlait tout à l'heure, mais le pouillot, ou alors, Maud nous disait que dans son jardin, elle a découvert un oiseau qu'elle ne connaissait pas. Oui, le verdier. Eh ouais. En fait, c'est un oiseau magnifique. Peut-être qu'on passe trop de temps à ne pas regarder la Loire et ses environs. Et pourtant, on est dans une superbe région où il y a plein d'oiseaux. Et d'ailleurs, la Maison de la Loire est toujours là pour nous faire aussi découvrir ces oiseaux. Pas oublier la Maison de la Loire. Absolument pas. On salue Thierry Poli qui nous écoute régulièrement. Et puis donc, des ouvrages à disposition. Alors, il y a d'autres actualités aussi en dehors de cette exposition, Maud ? Alors, en lien avec cette thématique des oiseaux qui va être présente pendant 3 semaines et les 2 semaines de vacances qui arrivent, on vous propose samedi un temps du conte autour des oiseaux. Il reste quelques places, donc faut pas hésiter à appeler rapidement la médiathèque ou nous contacter par mail. Est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone de la médiathèque ? Oui, c'est le 02 47 45 00 42. Facile. Et à ne pas manquer, une séance de VR avec un casque VR le 15 février de 15h30 à 17h autour des oiseaux. VR, c'est quoi ? Alors c'est, bon, je vous épargne mon accent anglais, mais c'est des casques de réalité virtuelle. Et c'est un rendez-vous qu'on propose régulièrement, tout est inscrit dans notre programme d'animation. Il y en aura 2 autres, les 26 avril et 14 juin. En avril, on sera sur le thème du kayak et en juin sur le thème de la cuisine. Eh bien, merci beaucoup Maude pour toutes ces informations. Où est-ce qu'elle se trouve cette médiathèque pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore ? Alors, la médiathèque de Mont-Louis se trouve au 6 rue Jean-Jacques Rousseau, au plein cœur de la ville, à deux pas de la mairie. Avec un parking et toutes les commodités, oui. Pratique, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Observons les oiseaux, une expo à découvrir gratuitement, et ce jusqu'au 22 février. Ainsi s'achève notre MAC du jour. Vous pourrez le réécouter en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.